Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui des humoristes de Caen. Voilà, donc Monsieur Alain. Salut. Salut. Alban. Alban tout court. Et monsieur, et enfin, je dis de Caen, mais monsieur a déserté, il est parti vivre à Lyon. Monsieur Manuel Salmero. Et ouais, bonjour à tous. Bon, donc les amis, vous aviez des anecdotes à me raconter, des galères d'humoriste un petit peu, des galères de scène. Monsieur Alain, tu avais une petite, une ou plusieurs galères ? Une, la dernière, c'était avec mon personnage, je suis déguisé en Spider-Man. Et juste avant d'arriver sur scène, on doit fermer la fermeture derrière et le zip lâche. Ce qui fait que j'ai le dos à l'air. Au mauvais moment, quoi. Voilà, juste avant de rentrer en scène, super. Donc ça fait vraiment la loose pour le Spider-Man. Après, ça a peut-être nourri le personnage. Mais exactement, puisque de toute façon, à la base, c'est un loser. C'est un loser, enfin, voilà, exactement. C'est un vieux Spider-Man. Donc c'était marrant. Ok. T'as d'autres anecdotes, des trucs, des galères, des bides, je sais pas. Bah, après, une fois arrivé sur scène, j'avais un verre que je devais boire, mais j'ai shooté dedans, donc j'ai pas pu le boire. C'était bien parti. Sachant que c'était moi j'ai même vu jour, le sketch, hein. Et normalement tu dois, justement, c'est prévu que tu le fasses tomber, mais en le voulant, quoi, volontairement. Voilà. Que là non, j'ai shooté dedans, là, je voyais rien, donc j'ai shooté dedans. Ton corps t'a aidé à avancer dans le texte. Je sais pas si ça m'a aidé finalement. Ok. Donc Alban, toi tu avais une petite anecdote, tu nous as raconté tout à l'heure, une petite histoire. Rapidement, bah oui, très rapidement, mais premier sketch, première scène. Je monte, je commence mon spectacle. Au bout de 5 minutes, j'entends un téléphone qui sonne. Et le mec devant, au premier rang, donc tu ne peux pas le louper. Et là, il décide de répondre. Allô, ouais, bah écoute, je suis en spectacle. Non, c'est moi qui suis en spectacle. Toi, tu réponds à ton téléphone, mon pote. À voix normale, il le fait. À voix normale, ouais. Oh, bon, je voulais le faire monter. Je l'ai regardé, je l'ai haï, j'ai perdu mon texte, je me suis perdu tout seul. Bon, bah, tout s'est bien passé. Hein, mais surtout pour une première scène, quoi. Voilà, pour une première scène, c'était chaud. Mais les gens ont cru que c'était inclus dans le spectacle. Donc, je me suis sauvé rapidement et j'ai fini mon spectacle. Ça a été de top, mais bon. D'accord. Juste une question, vous l'avez enterré où, le mec ? Je peux pas te le dire, sinon je vais être obligé de te tuer. D'accord. Bah écoute, on va laisser le secret. Ça, on appelle ça le secret professionnel chez les humoristes. Voilà. Le secret derrière le cimetière de Deauville. Exactement, voilà. Vous reconnaîtrez facilement, il y a une Twingo garée devant. Elle n'a pas bougé depuis parce qu'elle a servi pour le meurtre. C'est ça. Elle a été. C'était celle du mec, le pauvre, tu vois. Elle s'est auto-immolée par le feu. Un signe de contestation. C'était les prémices des gilets jaunes. Exactement, exactement. Et donc, monsieur Manuel Salmero, donc toi, tu as des anecdotes ? Bah non, moi, aucune. Moi, ça a toujours été nickel, les scènes. Ah bah évidemment. Ouais, pas de problème. Bien sûr. Ah, bon. Bah c'est normal. Moi, c'est franchement, normal. Finger in the nose. Tu rentres, les gens rigolent. Ah, direct. Mais évidemment. En fait, j'ai rien à faire. Je dis bonsoir. J'ai même pas fini de dire d'ailleurs, bonsoir. D'ailleurs, t'as pas de vanne. Non. Bah, t'es jamais allé plus loin que le bonsoir. Bah pourquoi faire ? Bah voilà, bonsoir, les gens rigolent. Pourquoi en écrire ? Parce que, enfin, franchement. C'est, tu l'es ou tu l'es pas ? C'est vrai, je suis d'accord, non, je suis d'accord avec toi. Voilà. Ben, mesdames et messieurs, c'est la meilleure anecdote qu'on puisse me raconter. <c'est>... Bon, maintenant la vraie version. Ma deuxième scène, je rentre, il y avait 15 personnes sur scène et il y avait la moitié que je connaissais. Donc je me dis cool, c'est bien, ça va être un public bienveillant. Sauf que ce que je savais pas, c'est que les gens étaient arrivés un quart d'heure en avance et que nous, on a démarré le spectacle une heure en retard. Ah oui, donc ça donc un je peu... te laisse imaginer ce que ça fait 15 personnes qui attendent froides dans une salle et qui toutes les 5 minutes demandent ça démarre bientôt. T'es passé premier en plus. Et je suis passé premier, bien sûr. Oh bah là oui, là puisque là c'était là ma là deuxième scène. On m'a dit au hasard, Manu en premier. Au hasard, bah oui, voilà. quand t'es nouveau quelque part. Et moi je savais pas, tu vois. Je me suis dit bah premier, ouais, pourquoi pas. De toute façon, ils me connaissent, ça va être cool et tout. Je suis rentré à fond. Le public a jamais décollé. Je sentais mes pieds transpirer dans le sol. Oh là là. Et tu sais, à chaque vanne, tu te disais, ouais, je pense à mon canapé. Là, après, je rentre chez moi. C'est ça. Voilà. Tu commences déjà à choisir ton menu du soir. Ouais, dans ta tête, tu menu te dis, mode automatique. Allez, menu bla, du prime. Bla, alors, bla, attends, bla, est-ce qu'il m'en reste ? Oui, c'est bon, agendas. C'est bon, pas de problème. Oh, punaise, je comprends. Oh et là c'est là, vrai que c'est le genre souffrance de truc qui tue ton amour propre, où tu rentres chez toi, tu te dis, je suis qu'une merde. C'est ça, c'est alors ça. Alors que non. Mais non. Alors mais... que... pas qu'une. Mais ouais, voilà. Oui, mais si tu veux, ce genre d'anecdote, en fait, j'ai souvent ça avec les collègues qui me racontent un peu leur galère, et moi-même, j'ai vécu ça aussi, hein, évidemment, je ne suis pas exempt de ce genre d'histoire, mais c'est vrai que c'est le genre de galère qui fait que la fois d'après, tu auras tellement la rage que tu vas cartonner. Est-ce que ça s'est passé comme ça pour toi ? Alors, la fois d'après, j'ai fait un gros bide. Tu es l'exception qui confirme la règle, Manuel. En fait, j'ai perdu confiance après cette scène-là. Ah. Donc, la fois d'après, je suis rentré en me disant, mais en fait, je suis pas fait pour ça, je fais pas rire les gens. Et je suis rentré en me disant, ah, ça va être chaud. Et du coup, celle d'après encore ? Et celle d'encore d'après, j'essaie de rattraper. Ouais, et la 27e. Voilà. Et la 27e après. Celle d'encore après, je me suis dit, il faut que je change mon sketch. Bon, ça, t'a fait quand même évoluer. J'ai arrêté de remettre le public en question, je me suis remis en question. Ah, il y en a des fois des humoristes, ils remettent le public en question. Ils rentrent, les gens se marrent pas et il faut. C'est un public pourri. Hein. Non, ils sont pas. Tu vois. Public, Ah, maintenant, je paye les gens pour venir. Et ben évidemment, bien sûr. D'où le bonjour et les rires après, quoi. Voilà, ouais, normal. Beaucoup mais t'as tout compris. Voilà. Et oui, hein, l'humour est une question de portefeuille. Et écoutez, les gars, merci beaucoup pour ces petites anecdotes. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous avoir dans la salle, de partager cette soirée avec vous. Bien sûr, on a aussi les galères de Sono. Hein. Mais évidemment, oui, c'est la base. La galère, tu fais signe au gars que c'est pas la bonne chanson et il te la remet au début. Mais faudrait que je fasse un truc. Mais faudrait que je fasse un truc qui s'appelle galère de régisseur. Tu vois, faudrait que je fasse un truc, une catégorie spéciale, rien que pour que les collègues me racontent ce que leur ont fait comme misère les régisseurs. Moi, il y en a un. Bah d'ailleurs, tu vois, regarde, je vais me mouiller aussi. Je vais raconter une anecdote. Je vais dans un concours d'humour en plus. Donc un concours, ça veut dire que t'as la pression déjà et tu te dis, il faut que mon passage soit, enfin, parfait. C'est, faut qu'il soit dans les meilleures conditions pour pouvoir avoir une chance de gagner. Moi, je me pointe. Je vous donne le truc. Alors, la date est importante. J'ai joué le 14 novembre 2015. Okay. Le lendemain des attentats. Donc déjà, on partait pas gagnant. Je me pointe dans un... Donc j'étais déjà en fait dans le car quand j'ai appris tout ça. J'étais déjà dans le car pour Paris. Parce qu'après, je prenais Paris. Après, j'allais dans la ville en question. Voilà. Et c'était un voyage en deux parties. Et là, on m'appelle, on me dit « Ouais, est-ce que tu viens toujours ?» Je dis « Oui, bah, si vous maintenez, je viens, il n'y a pas de problème. » Je me pointe là-bas. Et donc, bien sûr, aucune envie de faire rire qui que ce soit, aucune envie de rire, 150 morts et tout, c'est un truc, c'était atroce, quoi. Les gens sont venus quand même. Les gens sont venus, mais beaucoup moins. Ah ouais. D'habitude, la salle est pleine. Je l'ai fait d'ailleurs d'autres fois, ce concours-là. Et la salle est pleine à craquer, genre 300 personnes, 400 personnes. Là, on devait avoir 80 personnes, 100 personnes, ce qui est déjà mieux que ce qu'on espérait. Bref, on se pointe quand même. Il y a quelques humoristes qui annulent parce que du coup, ils se sentent pas. Il y en a qui habitaient dans le quartier et tout. Ouais. Ils se sentent pas d'y aller. Moi, Moi, j'ai dit ok, bon, bah j'y vais. Je me pointe là-bas et après, on me dit bon, bah Sofiane, on va te faire passer en premier. Hein, je dis, t'es sûr que tu veux faire passer un rebeu juste après ce qui vient de se passer hier soir ou t'es sûr que tu veux que j'ouvre la soirée? Non, mais t'inquiète pas, toi, t'as un humour qui ouvre bien. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais. En gros, on venait de m'expliquer qu'on venait de me sacrifier, quoi, tu vois. Et je dis ok, j'y vais. Je prends ma clé USB. Donc j'ai un son. Donc je fais taper les gens dans les mains et je leur fais répéter. Donc ouais, je bougnoule. Donc c'est le petit climax du truc, quoi. Bref. Mais il faut que la musique parte, c'est que ce soit la bonne. Bref, c'est pas grave. Je donne la clé USB au mec. Je dis bon, t'as juste un son dessus. Tu peux pas te tromper. Il y a que ça. Normal. Je pars. On me fait passer en premier, donc déjà, les gens sont... Ils ont encore les infos dans la tête et tout, ils sont pas bien. J'arrive sur scène, les lumières s'allument, bonsoir, et je commençais pas direct. Maintenant, c'est pour ça que j'y commence direct. Ouais. Comme ça, au moins, si jamais le son part pas, je rentre pas sur scène. Ouais. Là, j'arrivais, je faisais bonsoir, je parlais, puis après, je faisais, oui, DJ, envoie le son, envoie la sauce, machin. Là, le mec, il m'envoie une musique qui est pas du tout la bonne. C'est pas la bonne, c'est pas celle-là, c'est pas... Non, pas celle-là. Il cherche, il fait, oh pardon, tac, il en met une autre, toujours pas la bonne. Il en met encore une autre, toujours pas la bonne. Je fais, non, c'est pas grave, laisse tomber, c'est pas grave. Les gens me regardent et ils savent pas s'ils doivent rigoler ou pas, parce que très souvent, et c'est exactement ce qui t'est arrivé à toi, Alban, les gens ne savent pas si ça fait partie du spectacle ou pas. Mais honnêtement, c'était pas drôle pour que ça fasse partie du spectacle. Ça faisait loose, mais loose, pas contrôlé du tout. Enfin bref, en tout cas, donc je dis, pas grave. Donc j'enchaîne avec mon sketch, aussi bien, tu vois, tant bien que mal, comme on dit. Oh, j'étais bien en confiance, nickel. Et là, le mec, sans me prévenir, il me l'abat. Je regarde le mec, je fais, t'es sérieux? Bon allez, ça fait oh, et je suis parti dans mon truc, tu vois. Ah mais il m'a tué le truc. À la fin, je termine. Bon, spoiler alerte, j'ai perdu. Je vous cache pas que j'ai pas gagné. J'ai pas été le meilleur ce soir-là. C'est bizarre, tu vois, c'est bizarre. Donc j'avais lancé un avis de recherche contre le régisseur, hein, et il est venu me voir en cuisine. Il m'a fait, je suis désolé, j'ai pas pris la bonne clé USB. Je dis mais comment t'as fait pour te tromper? Il y a une chanson dessus. Il m'a dit c'est pas la tienne que j'ai prise, c'est celle de quelqu'un d'autre. Oh l'enflure. Et donc voilà, donc galère de régisseur aussi. Et une petite galère aussi. Vas-y. La galère de lumière, tu sais, où tu fais tout ton sketch et qu'à la fin tu te rends compte que tu t'étais placé dans le noir. Ah oui, que t'avais la tête dans le noir. Et du coup, personne n'a vu tes mimiques et tout. Exactement. Ah, okay. Ah ouais. Non, là, c'est galère. Je comprends pourquoi ça a moins rigolé là, c'est sur galère, cette panne-là. Ouais. Bah, du coup, les gens sont sur Rire et Chanson. Ouais, tout ça, voilà, c'est ça. C'est un sketch radio. Ouais, c'est ça. Oh, punaise. Ils sont sur Rire et Chanson, c'est pareil. Bon, et vous alors, les copains, du coup, des galères de régisseurs, un peu? Non. Non, ça va? Non. Bah, bon. Étant lui-même régisseur, oui. Il ne discrédite pas le métier. Tu vois, bon. Quand même. Tu vas mourir deux fois, toi, hein. Ah ouais, là, c'est sûr, là. Là, faut faire attention. T'es en prison ? Donc, toi, ouais, non, ça... Parce que c'est une bonne église. On est juste à côté, en plus. Ouais, on y va. On est au El Camino, ce soir, à Caen. Deauville, c'est pas loin. Ah ouais, c'est sûr. Bon, non, et... j'ai aucune galère. Non, ça va ? Non, ok, bah écoute, de toute façon, je souhaite qu'on se revoie dans quelques mois ou, tu vois, juste pour que tu puisses me dire, j'en ai plein, tu ouais, vois, parce que des galères d'humoristes... Mais en fait, plus tu joues, plus t'as de galères, et plus ça devient drôle, et plus t'apprends à t'en servir. Ouais. En tout cas, merci beaucoup les copains. Et donc, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Donc, je vais commencer par la droite, monsieur Alain. Eh bien, sur ma page Facebook déjà. D'accord. Et puis, bah, dans un mois, où est le Camino? Je partage l'affiche avec Harold. D'accord. Bardet. Très bien. Jolie affiche. Ouais. Et puis, sinon, le 22 mars aussi, sur la scène de Cherbourg, Stand-up Comedy. Oui. Et après, le 7 juin, encore à Cherbourg. Et puis, d'autres dates à venir. Ok, ouais. Donc tout est sur ta page, monsieur Alain. Ouais, ouais. Et puis, des petites vidéos que je m'amuse à mettre. Ok. Mais écoute, avec grand plaisir, on suivra ça. Voilà. Alban ? Bah, moi, je suis en écriture. Donc, pour l'instant, on écrit. Et puis, on écrit. Ok, bah écoute, voilà. C'est déjà ça. C'est le début, c'est le début, voilà, il faut écrire. T'as fait quelques scènes et maintenant tu écris pour pouvoir avoir un spectacle plus complet, plus... Voilà. Ok, on te suivra avec plaisir. On te suit dans ta chambre. C'est ça, on te suivra dès que t'auras d'autres infos. Bah, pour un autre épisode, voilà, quand t'auras tes galères, quand t'auras d'autres galères, voilà, tu me les raconteras. Et t'auras une page aussi à ce moment-là. Je vais écrire ma page galère. Voilà, galère d'Alban. Tu vas l'appeler galère d'Alban, voilà, tout simplement. Voilà. Et monsieur Manuel Salmero, donc. Eh ben moi, du coup, alors, ouais, ma page Manu DC Comique. Manu, donc, bon, comme le prénom Manu. Voilà. DC, donc c'est D-I-C-I. D-I-C-I. Voilà, D-I-C-I, et plus loin, comique, comme un comique. D'accord. Voilà. Très bien. Le H est muet. Ben écoute. Voilà. Pas de problème. Dans le nom. Je cherchais encore, tu sais, depuis tout à l'heure. Tu sais, il essaie de balancer des petites piques comme ça, tu vois, il regarde si je vais les attraper ou pas, tu vois. Alors, oh, punaise. Oh. Alors, voilà, donc ma page Facebook. Je suis au Graines de Star Comedy Club à Villeurbanne. Oui. Tous les week-ends. Chez Ali. Ben Osman, qu'on embrasse. Exactement. Bisous, Ali. On salue Ali. Merci. Voilà. Merci encore pour ton accueil. À chaque fois, c'est le plaisir de revenir chez toi et tout, c'est cool. Voilà. Ça fait longtemps. Faudrait que je revienne d'ailleurs un de ces quatre. Ça me fera bien plaisir de revenir voir un peu cette scène qui a bien évolué depuis. Grave, et qui t'attend avec impatience. Eh bien, écoute, le plaisir sera partagé, en tout cas, ça fait très longtemps, et faut que j'aille voir un petit peu Villeurbanne, là. Ça... Bah, grave. Bon, pour ma part, vous me retrouvez sur ma page Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, et on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.